Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité l'exposition des appareils, matériaux de construction, de finition et réalisation technoscientifique du ministère des Forces Armées Populaires. Il a été accompagné du sous-maréchal de l'Armée populaire de Corée, Fang Byung-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'Armée populaire de Corée, du général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires de la République populaire démocratique de Corée, et du lieutenant général Kim Jong-gwan, vice-ministre des Forces armées populaires. Y ont été présentés 131 620 appareils et matériels de construction de finition de 550 espèces et quelques 530 réalisations technoscientifiques mises au point par des troupes de bâtiments et fabriques de matériaux de construction au sein de l'armée populaire. Observant les échantillons, le dirigeant suprême a déclaré très satisfait que beaucoup de choses sont développées par rapport à l'exhibition d'il y a 2 ans, que c'est un paysage particulier de l'époque prospère de la construction et qu'une grande révolution est entreprise dans le secteur de construction. Il a dit « Les échantillons sont conformes au tempérament des Coréens et faciles à manipuler. Le nombre d'espèces de matériaux de construction, de cloisons mobiles et de meubles et leur qualité sont améliorées. Il faut s'efforcer de nationaliser et varier les formes et les couleurs des matériels de construction selon l'intention du parti. » La force et l'intelligence des masses sont inépuisables. Une fois décidé, on peut bel et bien tout fabriquer. Il faut inventer et fabriquer sans cesse à la Corée, sans penser à l'importation des équipements et matériaux de construction étrangers. Les civils aussi sont tenus d'apprendre l'esprit et le style de travail des militaires de l'armée populaire. Sur ce, Kim Jong-un a présenté des tâches du secteur de bâtiment, faisant remarquer que cette exposition s'avère très importante pour faire honneur davantage à la grande prospérité de la construction.